plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous passez ces moments en ces lieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Les femmes de la sous-section peuvent venir. Ni kandal andam bim mini yana ma monso anye mbole chande oye anze alipa anye mama ni olima bo wali ki ma monso eche Binga nile, ibe na bi onda, bima nda bima nile, anye mbe. Eche binga. Anye mbole jande, nikanda limbo ndije, anom nyonle nebeja, anom nyonle nebeja, binga kebe peli ena, nikanda limbo ndije. Limbo and Minga kebe peli ena. Ikanda limbo ndije. Jambe chéri au revoir, oh chéri au revoir, oh chéri au revoir, chéri au revoir, oh mon cœur au revoir. Oh, mon cœur, au revoir. Oh, mon cœur, au revoir. Mon cœur, au revoir. Lignon, lignon, lignon. Lignon, ok. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité.